بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, on va enfin commencer, inshallah ta'ala, cette explication sur les annulatifs de l'islam, nawaqid al-islam. Car la semaine dernière, lorsqu'on a annoncé le cours, on a eu un petit problème technique. Par la suite, on n'a pas pu diffuser le cours. فنشرع اليوم في دراسة هذا الكتاب العظيم ودونك aujourd'hui on commence l'explication de ce livre très important. واسمه يدل على أهميته. Et son nom, le nom du livre, montre son importance. فإن نصوص الشرع أثبتت أن الإنسان قد يخرج من الإسلام بعد دخوله فيه. Car certes, les textes de la législation montrent que l'individu peut sortir de l'islam après qu'il en soit rentré. قَدْ يَخْرُجُ الْمَرْءُ مِنْ دَائِرَةِ الْإِسْلَامِ بِسَبَبِ كَلِمَةٍ يَنْتِقُهَا. Il se peut que l'individu sorte de l'islam à cause d'une parole qu'il prononce. Allah tabaraka wa ta'ala qui dit: وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Et si tu les interroges, ils diront alors: certes, nous ne faisions que passer le temps et jouer. Dis, est-ce que c'est d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? Ne vous excusez pas, vous avez certes mécru après avoir eu la foi. Et donc, une personne peut sortir de l'islam à cause d'une parole qu'il prononce. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا فيرفعه الله بها درجات. البخاري ومسلم ont tous les deux cités dans leur recueil al-Sahihayn, selon Abi Hurayra radiyallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, le serviteur peut prononcer une parole. Certes, le serviteur prononce une parole qui provient de l'agrément d'Allah sans lui accorder aucune importance. Donc le serviteur n'accorde pas d'importance à cette parole qu'il a prononcée. Et Allah l'élève en degré par celle-ci. Allah va élever ce serviteur en degré par cette parole qu'il a prononcée. « Wa inna al-abd yatakallamu bil kalimati min sakhatillah » La yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Et le serviteur peut prononcer une parole. Il prononce une parole qui fait partie, qui provient de la colère d'Allah. Une parole donc qui entraîne la colère d'Allah. Il n'accorde pas d'importance à cette parole et va tomber en enfer par celle-ci. Et donc vous remarquez ici dans ce hadith, ô chers frères, le danger des paroles qu'on peut proférer. Cette parole dont tu n'accordes aucune importance, pour toi c'est pas grave, ma'alish, c'est rien du tout. Ce n'est rien, ce n'est pas grave, comme certains nous disent. Wa hadhihi al-kalima tukhrijuhu min da'irati al-islam. Et cette parole le fait sortir de l'islam. Fal mawdu'u muhim ayyuha an-nas. Et donc, ô gens, le sujet est très important. المرء قد ينطق بكلمة تخرجه من الإسلام ثم يموت على ذلك وهو من أهل النار وإن عاش أكثر حياته في الإسلام. سبحان الله. L'individu peut prononcer une parole qui le fait sortir de l'islam, puis il meurt sur cette parole, il ne se repent pas avant de mourir, après avoir prononcé cette parole. Et ensuite, cette personne fera partie des gens du feu, même si la majorité, même si la majeure partie de sa vie, il était musulman. Subhanallah. Subhanallah. وَمِمَّا يَدُلُّنَا عَلَى ذَلِكَ حَدِيثِ إِبْنُ مَسْعُودَ الْمَشْهُورِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. Et parmi les preuves qui montrent ce que nous venons de dire, il y a le hadith très connu, le hadith d'Ibn Mas'ud radiallahu anhu, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, l'un d'entre vous peut accomplir des œuvres des gens du paradis jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et celui-ci qu'une coudée. Donc il n'y ait entre la personne et le paradis qu'une coudée. C'est-à-dire que la personne approche de la mort, elle va bientôt mourir et après, ben, c'est paradis ou enfer. Donc ici, la personne accomplit les œuvres des gens du paradis, donc elle est plus proche du paradis. Fayasbiku alayhi al-kitab. Alors la personne est précédée par son destin. Elle va donc œuvrer par les œuvres des gens de l'enfer et va rentrer en enfer. Il va rentrer en enfer, subhanallah. Alors que toute sa vie, cette personne était sur l'islam. La grande majeure partie de sa vie. وأخرج الحاكم في المستدرك عن النعمان ابن بشير قال صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول إن بين يدي الساعة فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا. Al-Hakim, il a cité dans son livre Al-Mustadrak, selon Nu'man ibn Bashir, qui dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, il y a avant l'heure, c'est-à-dire il y a avant la fin des temps, beaucoup de troubles, plusieurs fitnas, plusieurs troubles qui sont comme la nuit très sombre. Donc ces troubles, ces fitanes, ces tentations sont vraiment sombres. L'homme, l'individu, par celle-ci, il se retrouve à l'aube croyant et en soirée mécréant. Subhanallah, à l'aube, hein, le matin, il commence sa journée, il est croyant, et en fin de journée, dans la soirée, il est incroyant. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Et aussi, donc dans l'autre sens, en fin de soirée, il est croyant, et à l'aube, une fois qu'il se retrouve à l'aube, il est incroyant. Et donc le changement est très rapide. Le changement est très rapide. La personne peut sortir de l'islam très très rapidement. Fel amru khatir. Le sujet est lourd, dangereux, ô chers frères. Wal muta'ammil fi hadhihi an-nusus yudriku annahu yajibu alayhi an yata'allam ma hiya al-umur allati qad tukhriju al-mar'a min al-islam hatta yahdharaha. Et donc celui qui médite sur les textes que nous avons cités, il comprend parfaitement qu'il lui incombe d'apprendre quels sont ces sujets qui font l'individu sortir de l'islam, afin de pouvoir s'en méfier et de pouvoir s'en éloigner, de pouvoir s'éloigner de ces causes qui peuvent faire l'individu sortir de l'islam. Il est important qu'on apprenne tout cela, ô chers frères. وفي هذا بيت مشهور عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لا يعرف الشر من الناس يقع فيه. Il y a en cela un vers de poésie qui est connu qui cite: j'ai connu le mal, mais pas pour le mal. C'est-à-dire, ce n'est pas pour accomplir le mal que j'ai appris le mal, mais c'est pour m'en préserver. Mais c'est pour m'en préserver. Et celui parmi les gens qui ne connaît pas le mal, il tombera dedans. Et donc, tu dois apprendre le mal, ô cher frère. Tu dois apprendre quels sont les annulatifs de l'islam afin de t'en préserver. وَهَذَا يُذَكِّرُنَا بِالصَّحَابِيِّ الشَّهِيرِ حُذَيْفَةَ ابْنِ الْيَمَانِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِذْ قَالَ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي الْحَدِيثُ. Et donc cela nous rappelle Huzaifa ibn al-Yaman, le compagnon très connu, radiallahu anhu, qui dit: les gens interrogeaient le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en lui demandant concernant le bien. Et moi, je l'interrogeais en lui demandant concernant le mal, par crainte que celui-ci ne me touche. Par crainte que celui-ci ne me touche. Subhanallah. Et donc, l'étude de ce livre fait partie des sujets importants. Wa kaununa nadrusuhu yastalzimu minna an nashkura Allah tabaraka wa ta'ala. Et donc, le fait que nous étudions ce livre implique que nous remercions Allah tabaraka wa ta'ala. Fa kam min an-nas man ya'malu 'amalan kufriyan wa huwa la yadri. Comme sont nombreux ceux qui vont accomplir des actes de mécréance sans le savoir. Falhamdulillah alladhi yassara lana ta'alluma dinina wa 'aqidatina. Et donc toutes les louanges reviennent à Allah, celui qui nous a facilité l'apprentissage de notre religion et de notre croyance. Wa nas'aluhu tabaraka wa ta'ala an yudima 'alayna hadhihi an-ni'ma hatta al-mamat. Et nous lui demandons à Allah tabaraka wa ta'ala de nous prolonger ce bien jusqu'à la mort. ثم ينبغي أن يعلم أيها الإخوة أننا لا ندرس هذا الكتاب حتى نحكم على الناس فلان كافر فلان كافر. Et donc, au cher frère, aussi il est important de savoir que nous n'étudions pas ce livre afin de pouvoir juger les gens: un tel c'est un mécréant, un tel c'est un mécréant, un tel c'est un mécréant. Là, anta tata'allam litajtaniba ash-shar. Toi, tu étudies pour t'éloigner du mal. Amma masailu at-takfir fala yadkhulu fiha illa ahlul ilmi. En ce qui concerne les sujets de takfir, c'est-à-dire le fait de taxer quelqu'un de mécréant, d'apostat, alors il n'y a que les gens de science qui abordent ces sujets, qui rentrent dans ces sujets. فَإِنَّهَا مَسَائِلْ خَطِيرَ جِدًّا. Ce sont des sujets très dangereux, les frères. Nous devons faire attention. Nous devons faire très très attention. Car lorsque tu vas taxer un tel de mécréant, cela implique énormément de choses. Tu vas le taxer d'apostat. La viande qu'il a égorgée, selon toi, donc, n'est pas licite. Il ne peut pas hériter de ses parents musulmans. Et ses enfants musulmans ne pourront pas hériter de lui. Il ne peut pas être le tuteur de ses filles lorsqu'elles se marient, etc., etc. Énormément de conséquences sont liées à cela. أخرج المسلمون أخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. البخاري a cité dans son sahih, selon Abi Hurayra radiallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: si l'homme dit à son frère, ô kafir, ô mécréant, ô incroyant, alors cette parole s'applique sur l'un des deux. Cette parole revient sur un des deux. Et donc ce sujet est très lourd, très dangereux. Nous devons faire très attention, chers frères. فقال المصنف رحمه الله. Et donc on commence à aborder ce que l'auteur il dit. L'auteur Mohammed ibn Abdel Wahhab رحمه الله, il nous dit: اعلم أن نواقض الإسلام عشرة نواقض. Il nous dit: sache que les annulatifs de l'islam sont au nombre de 10. ليعلم أيها الإخوة والأخوات أن نواقض الإسلام الموجودة في كتب العلماء أكثر من ذلك. Et donc il faut savoir, ô chers frères, que les annulatifs de l'islam qui sont cités dans les livres des savants sont plus nombreux que les annulatifs que le cheikh il a cités ici. Le cheikh il nous en cite 10. Mais nous en trouvons plus dans les livres des ulama, les livres des savants. فقالت العلماء إن المؤلف هنا رحمه الله أراد الاقتصار على أهمها وأكثرها انتشارا بين الناس. Et donc les savants, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que l'auteur, le cheikh, l'imam Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, ici, il en a cité 10 parce qu'il voulait se suffire des annulatifs les plus importants et ceux qui sont le plus propagés parmi les gens. ثم قال المصنف رحمه الله الأول الشرك في عبادة الله. Donc ensuite l'auteur il nous dit, et le premier annulatif qu'on voit aujourd'hui, c'est le polythéisme, le shirk dans l'adoration à Allah. وقد رأينا تعريف الشرك فقلنا هو صرف شيء من خصائص الله لغير الله تبارك وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. On a déjà vu précédemment la définition du polythéisme, du shirk. Et on a dit que c'est le fait d'attribuer à autre qu'Allah une des spécificités d'Allah. Ceci dans sa seigneurie, dans son adoration ou dans ses noms et attributs. لكن المصنف هنا قال كلاما قال الشرك في عبادة الله. Cependant l'auteur ici il a dit une parole, il a dit le premier annulatif c'est le polythéisme dans l'adoration d'Allah. Il n'a pas dit le polythéisme de façon générale, mais il a cité un type spécifique qui est le polythéisme dans l'adoration d'Allah. فذكر الشرك في الألوهية خاصة وقال بعض العلماء لأنه أكثر ما يقع فيه الناس. Et donc l'auteur, il nous a cité le polythéisme dans l'adoration de façon spécifique. Il n'a pas cité le polythéisme dans la seigneurie, ni le polythéisme dans les noms et attributs. Mais il a cité cette forme-là de façon spécifique. Les savants, ils nous disent que cela, c'est parce que c'est cette forme de polythéisme-là qui est la plus répandue chez les gens. فَمَنْ قَمَ بِعِبَادَةٍ لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ وَقَعَ فِي نَاقِدٍ مِنْ نَوَاقِدِ الْإِسْلَامِ كَأَنْ يَدْعُوَ غَيْرَ اللَّهِ. Et donc celui qui va accomplir un acte d'adoration pour autre que Allah, il sera donc tombé dans un annulatif parmi les annulatifs de l'islam, comme le fait d'invoquer autre que Allah tabaraka wa ta'ala. ثم ذكر المصنف دليلين على ذلك. Ensuite l'auteur il cite deux preuves. L'auteur, le cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahimahullah, il cite deux preuves concernant ce qu'il a dit. Il nous dit alors: قال تعالى, Allah ta'ala dit: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. Certes Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé, mais il pardonne en dehors de cela pour qui il veut. Et Allah Ta'ala qui dit aussi: Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Certes, celui qui accorde un associé à Allah, alors Allah lui interdit le paradis et son refuge sera l'enfer, sera le feu, et il n'y a pas de secoureur pour les injustes. فيفهم من هاتين الآيتين أن الشرك أعظم الذنوب فإن الله تعالى لا يغفره إلا لمن تاب. On comprend de ces deux versets que le polythéisme, le shirk, est le plus grand des péchés, car Allah tabaraka wa ta'ala ne le pardonne pas pour celui, donc car Allah tabaraka wa ta'ala ne le pardonne que pour celui qui s'est repenti. Allah ta'ala, il ne pardonne le shirk que pour celui qui s'est repenti. Amma man kana duna shirki fa inna Allah ta'ala qad yaghfir wa qad la yaghfir. En ce qui concerne les péchés qui sont en dessous du shirk, en dessous du polythéisme, alors il se peut que Allah il pardonne, mais il se peut qu'il ne pardonne pas. Tandis que le polythéisme, Allah il ne pardonne pas du tout, sauf si tu te repentis. Sauf si tu te repentis. Tandis que ce qui est en dessous du polythéisme, même si tu ne te repentis pas, il se peut qu'Allah te pardonne et il se peut qu'il ne te pardonne pas. Par contre, si tu te repentis, in kunta qad tubt, fa inna Allah ta'ala yaghfiru jami'a adh-dhunub hatta ash-shirk. Mais si tu te repentis, alors sache que Allah il pardonne tous les péchés, même le polythéisme. Si tu te repens du polythéisme, Allah te pardonne même le polythéisme. Allah qui dit inna Allah yaghfiru adh-dhunuba jami'a. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Certes, Allah pardonne tous les péchés. وكذلك يفهم في هاتين الآيتين أن الشرك يمنع صاحبه من الدخول في الجنة. Et aussi on comprend de ces deux versets que le polythéisme empêche à l'individu de rentrer au paradis. لكن هذا في من وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة أما الشرك الأصغر فلا يخرج من الملة. Et donc Naam, on comprend aussi de ce verset, comme je l'ai cité précédemment, que le shirk, le polythéisme, empêche à la personne de rentrer au paradis. Cependant, cela concerne celui qui est tombé dans le polythéisme majeur. Alors, celui qui est tombé dans le polythéisme mineur, cela ne fait pas sortir de l'islam. Cela ne fait pas sortir de l'islam, contrairement au polythéisme majeur. Le polythéisme majeur, lui, il fait sortir de l'islam. Et بإذن الله تعالى سنواصل في هذا الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. إن شاء الله on va continuer ce sujet la semaine prochaine إن شاء الله تعالى, avant d'aborder le sujet du deuxième annulatif, car les deux premiers annulatifs sont liés. Les deux premiers annulatifs que l'auteur a cités sont liés. Et donc avant d'aborder le deuxième, on va continuer la semaine prochaine إن شاء الله تعالى à aborder certains points de cette première assise qu'on a eue ensemble. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder à tous la réussite et de nous accorder à tous une science profitable. Il est capable de toutes choses. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khayran.